il existe un site virtuel incompétent. Chaque seconde fait de nous des éléphants. Notre seul espoir est de se faire spammer. On ira s'inscrire et faire un site sur la France. Et c'est là que ces cons vont tout effacer. On ira s'inscrire et faire un site sur la France pour refaire un site enragé. Coglicos tout éradiqué. Coglicos un site dérangé. Coglicos tout éradiqué. Coglicos un site enragé. De numérique, pixelisés sont les JPEG. Il nous faudra du courage et des pépettes. Mais dites-vous bien que vous vous faites arnaquer. On ira s'inscrire et faire un site sur la France. Et c'est là que ces cons vont tout effacer. On ira s'inscrire et faire un site sur la France pour refaire un site enragé. Coglicos tout éradiqué. Coglicos un site dérangé. Coglicos tout éradiqué. Coglicos un site enragé. On nous promet d'améliorer le service contre les pop-ups et de spammer tous les hommes. On ira s'inscrire et faire un site sur la France. Et c'est là que ces cons vont tout effacer. On ira s'inscrire et faire un site sur la France pour refaire un site enragé. Coglicos tout éradiqué. Coglicos un site dérangé. Coglicos tout éradiqué. Coglicos un site enragé.